Oyez, oyez, les jeux Mission Patrimoine sont de retour en point de vente et sur fdj.fr. Avec les tickets à gratter illico Mission Patrimoine, vous pouvez gagner jusqu'à 1,5 million d'euros tout en aidant le patrimoine français. Pour chaque ticket acheté, une part est reversée à la Fondation du Patrimoine pour aider à la restauration de monuments en péril. Alors jouez pour vous et pour l'histoire. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Le 1er janvier 1789, les femmes du tiers-État adressent une pétition au roi Louis XVI. Puisqu'il a annoncé la réunion des États généraux, voilà une bonne occasion de parler d'éducation des filles. Ces femmes écrivent. Les femmes du tiers-État naissent presque toutes sans fortune. Leur éducation est très négligée ou très vicieuse. Elle consiste à les envoyer à l'école chez un maître qui, lui-même, ne sait pas le premier mot de la langue qu'il enseigne. Elles continuent d'y aller jusqu'à ce qu'elles sachent bien lire l'office de la messe en français et les vêpres en latin. Et dans cette pétition, les femmes du tiers-État ajoutent si la nature leur a refusé la beauté, elles épousent, sans dot, de malheureux artisans et végètent péniblement dans le fond des provinces. Si au contraire elles sont jolies, elles deviennent la proie du premier séducteur. Voilà un programme de vie pas très alléchant. La pétition se conclut ainsi. Et là, c'est intéressant. Nous demandons à sortir de l'ignorance pour donner à nos enfants une éducation saine et raisonnable pour en former des sujets dignes de vous servir. Oh là, sommes en janvier 1789, il n'est pas question de révolution, pas encore d'école publique pour les filles, il n'est pas question d'égalité, mais les réflexions, elles, sont déjà là. Cette semaine, dans le cours de l'histoire sur France Culture, une histoire de la transmission des savoirs depuis la préhistoire avec l'âge du fer, F-A-I-R-E. Et puis, cette réflexion que nous a offert Roger Chartier sur le livre et notamment le référencement qui nous parle tellement aujourd'hui face à la multitude d'écrire. Mais comment s'y retrouver? Ce sont des émissions à réécouter en ligne sur le site internet du cours de l'histoire, franceculture.fr, ou bien en podcast, c'est la balado-diffusion des émissions à commenter sur le groupe Facebook Le Cours de l'Histoire. Et aujourd'hui, l'école pour toutes, la Révolution française prône une instruction citoyenne. Oui, mais quelle place pour les premières écoles publiques de filles? Pour en parler avec nous, Caroline Fayolle, bonjour. Bonjour Xavier Mauduit. Vous êtes agrégée d'histoire, maîtresse de conférences en histoire à l'Université de Montpellier. Et vous êtes lauréate du prix de thèse 2014 du Comité des travaux historiques et scientifiques. Et votre thèse portait sur un objet d'étude qui nous interpelle parce que dans notre imaginaire, notre conception de l'histoire de l'école, le jalon, ce sont les lois Ferry à la fin du 19e siècle. Or, vous avez étudié l'école et notamment l'école destinée aux jeunes filles sous la Révolution française. Comment en arrive-t-on là, au sens où il y a presque un étonnement à découvrir ces écoles pour filles sous la Révolution française? Je pense qu'il y a, plusieurs raisons. Déjà, La Révolution française est souvent associée à une légende noire disant que voilà, la Révolution a beaucoup débattu d'éducation mais a très peu fait. Et donc elle aurait mis à mal l'édifice scolaire de l'Ancien Régime et n'aurait pas remplacé par un nouveau système éducatif. Alors ça, c'est une idée qui est cette légende noire, bien sûr, maintenant battue en brèche, puisque la Révolution française, dans l'urgence hein, du contexte révolutionnaire, a quand même légiféré et mis en pratique ces lois sur les premières écoles publiques de garçons et de filles. Alors c'est vrai qu'en plus, s'ajouter à ça que l'histoire des femmes, l'histoire du genre, s'est développée un peu plus tardivement. Donc les questionnements sur comment on construit de la différence des sexes par l'école, ça arrivait assez récemment. Et puis voilà, une autre raison sans doute aussi, c'est ce que vous disiez par rapport à cette mémoire qui associe toujours les écoles publiques à Ferry. Hein, et c'est vrai que les hommes de la Troisième République, à la fois se référaient à la Révolution française, mais se disaient vraiment, c'est nous les vrais instigateurs de l'école. Et donc du coup, c'est vrai que ça a fabriqué de l'oubli Donc ce que j'ai essayé avec d'autres historiennes, historiens, de combler. Voilà, vous le comblez avec cet ouvrage, La femme nouvelle, genre, éducation, révolution, 1789-1830. Caroline Fayolle, pour bien comprendre cette révolution dans l'histoire de l'éducation, il faut peut-être revenir sur le système qui était en place avant, sous l'Ancien Régime, notamment à destination des petites filles. Mais pour les garçons, la question se pose aussi. En fait, il n'y avait pas d'école public tel que nous l'entendons aujourd'hui, évidemment. C'était un autre fonctionnement. Oui, l'éducation était avant tout gérée par les congrégations religieuses. Et il y avait bien sûr un système très très hiérarchique avec les collèges d'Ancien Régime destinés aux garçons. Il y avait une instruction assez élaborée. Et puis pour les pauvres et pour notamment les filles pauvres, hein, des écoles de charité tenues par aussi des congrégations. Donc avec un enseignement qui est basé sur une pédagogie quand même très verticale, très autoritaire. Et aussi basé sur un enseignement avant tout religieux, une morale religieuse qui prenait une place évidemment très importante. Et même si le XVIIIe siècle est un siècle passionnant pour les réflexions sur l'éducation, ce n'est pas la révolution en tant que telle, en tant que période, 1789 à la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle. Non, c'est tout le XVIIIe siècle qui réfléchit à l'éducation. Et ça, c'est un élément à prendre en compte de manière majeure. Tout de suite, l'on pense à Rousseau. Eh oui, Émile. Bien sûr, la grande référence. Oui, effectivement, le XVIIIe siècle, grand siècle de débats, de réformes pédagogiques, hein, beaucoup de discussions extrêmement importantes, notamment autour de cet ouvrage de l'Émile, de Rousseau, donc, qui a eu un succès retentissant à l'époque, notamment auprès des femmes, malgré le fait que, bon, il ne consacre qu'un chapitre à l'éducation de la fameuse future compagne d'Émile, Sophie, hein, qui a une éducation pour le moins très sommaire, hein, qui est vouée être une femme au foyer, qui, voilà, n'a à peine accès au savoir élémentaire. Donc, ça a fait réagir quand même certaines femmes, notamment Madame d'Épinay, hein, qui a essayé de répondre à Rousseau par un ouvrage s'appelait « Les conversations d'Émilie », et où elle essayait justement de montrer qu'il y avait d'autres voies pour penser l'éducation des filles et qui vont aussi mettre en avant une idée qui est très présente pendant les Lumières et qui vont avoir un impact très fort pendant la Révolution française. C'est l'idée tout simplement d'une supériorité de l'acquis sur l'inné. On apprend, on est avant tout des êtres perfectibles et donc on peut transformer profondément les individus par l'éducation. Ça, c'est une chose majeure. Transformer les individus, c'est le résultat de cette pensée des Lumières. L'Émile de Rousseau, c'est 1762, mais avec des répercussions sur un temps beaucoup plus long. Et tout à l'heure, en début d'émission, je lisais une pétition du 1er janvier 1789 des femmes du tiers état qui demandait au roi Louis XVI, il nous faut de l'instruction. C'est-à-dire que, bon, nous connaissons bien ces pétitions, elles sont écrites souvent par des gens qui, eux, sont baignés dans le monde des Lumières, mais peu importe, il y a déjà avant la Révolution, sans doute pas de manière majoritaire, une réflexion sur l'éducation et ce qui nous intéresse aujourd'hui dans le cours de l'histoire, l'éducation des filles. Oui, tout à fait. Je crois même qu'on peut parler d'une vraie aspiration des femmes au savoir. Au tout début de la Révolution, vous avez parlé de ces pétitions et des cahiers de doléances. Il y a aussi des journaux qui se créent pour les femmes, où on peut lire, notamment dans les premiers courriers de lectrices, voilà, une vraie volonté de savoir chez les femmes, hein, une frustration terrible de ne pas avoir accès à la philosophie, aux mathématiques, etc. Avec cette idée que accéder aux Lumières, bah, c'est accéder à la liberté. Hein. Oui. C'est vraiment ça, hein, Caroline Fayolle, l'idée d'émancipation, en fait, qui est portée par les femmes, toujours dans cet espoir de liberté. Il y a la conscience que l'éducation peut permettre de sortir la femme de sa condition. J'ai envie de vous demander, mais c'est très difficile à mesurer, l'historienne que vous êtes, étudie les textes, la mesure de cette volonté. Nous sommes sur quelque chose d'extrêmement marginal. Ce sont, dans les sources que vous trouvez, des textes qui sont extrêmement rares ou en fait c'est quelque chose qui est récurrent, qui suinte en fait parmi les sources. Alors, ce qui, je dirais, est pas si minoritaire que ça, finalement, c'est cette aspiration au savoir que je retrouve vraiment quand même assez massivement dans les sources de femmes. Par contre, ce qui est plus minoritaire, c'est celles et ceux qui vont assumer jusqu'au bout ce postulat de la toute-puissance de l'éducation, de cette supériorité de l'acquis sur l'inné, et qui du coup vont dire, bah, si l'éducation est toute-puissante, bah, forcément, on peut, on peut annihiler la différence entre les sexes, on peut annihiler la hiérarchie entre les sexes, on peut construire de l'égalité, en fait, entre les sexes. Alors là, c'est une voie beaucoup plus minoritaire, bien sûr, mais qui va continuer à s'exprimer quand même tout au long de la période. Et puis, elle nous intéresse, cette voie, parce que elle a des effets sur le temps long jusqu'à aujourd'hui. Il y a une vraie pertinence de cette réflexion sur l'éducation des jeunes filles. Nous évoquons la révolution et nous évoquons les femmes. Et c'est vrai que c'est un sujet, la femme dans la révolution, dans La Femme Nouvelle, votre ouvrage, vous le dites bien, la femme et la révolution, titre d'ouvrage, c'est quelque chose que l'on retrouve souvent. Elles sont essentielles, ces femmes dans la révolution. Exemple, dans le film La Révolution française, les années lumière, le film de Robert Enrico, un film de 1989, et là, nous partons à Versailles, en marchant avec toutes les femmes, en octobre 1789. Mesdames, je suis bien aise de vous voir chez moi. Que puis-je pour vous ? Votre Majesté, ces quatre femmes ont été choisies pour parler au nom des femmes de Paris. Tous les Parisiens sont soucieux de connaître l'accueil que Votre Majesté réserve à la Déclaration des droits de l'homme et aux autres articles. Peut-être Sa Majesté préférait-elle entendre de la bouche même de ces femmes ce qui les amène ici. Eh bien ? Votre Majesté, ils peuvent. Dessert, vite ! Vous aurez du pain, je vous promets, vous aurez du pain. Elle demandait du pain, dans un premier temps il lui donne des sels, et après il lui promet de lui donner du pain. C'est le formidable Jean-François Balmer en Louis XVI, dans le film de Robert Enrico, La Révolution. Et dans cet extrait, nous avons en fait quelque chose qui s'impose dans l'idée de la femme sous la Révolution, et là c'est la demande du pain. On est sur quelque chose de très très concret, nous sommes très éloignés de demandes d'éducation. Caroline Fayol, comment se construit cette place de la femme dans la révolution sur cette demande d'éducation ? Ici, nous sommes dans le cliché de la femme qui marche sur Versailles. La femme qui demande de l'éducation ne marche pas sur Versailles, elle est dans les salons, nous pensons à Olympe de Gouges. Comment ça se construit ? Alors, déjà, les femmes réclament du pain, certes, les femmes du peuple, mais elles réclament aussi des choses beaucoup plus politiques. Elles réclament le retour du roi sur Paris, par exemple. Elles vont s'investir très rapidement dans des clubs politiques qui sont mixtes, voire des clubs politiques féminins qui vont exister jusqu'à la fin de l'année 1793. Et donc, en fait, elles vont avoir un rôle qui ne se limite pas à la question des subsistances, bien que la question des subsistances est politique en soi, par ailleurs, mais aussi à des aux débats politiques plus généraux, en fait. Et donc, je pense pas qu'il faut peut-être diviser d'un côté les femmes du peuple qui sont seulement sur le côté subsistance, de l'autre des femmes de l'élite qui, elles, voudraient l'instruction. Je pense qu'on peut voir notamment les sociétés populaires féminines qui vont se former, donc notamment dans les années 1791-1792. Je pense par exemple à une fameuse société populaire féminine qui a été créée par une des pionnières du combat des droits des femmes, qui est d'origine hollandaise, qui s'appelle Etta Palme Delders. Et donc, ces sociétés populaires féminines vont mettre vraiment l'accent sur cette question de l'émancipation des femmes par l'éducation. Ça fait partie des grandes revendications, et notamment elles rejoignent en cela les grandes revendications populaires, notamment des sans-culottes. Hein. Ça fait partie aussi des grandes revendications des sans-culottes, d'avoir le droit à l'éducation pour le peuple, avec cette idée qu'on ne construit pas l'égalité si on ne diffuse pas le savoir. Donc, il y a cette volonté de lutter contre ce qu'ils appelaient l'aristocratie du savoir, hein, justement. Donc, je pense que ce qui va vraiment avoir un impact, c'est cette mobilisation par le bas aussi, hein, de ces sociétés populaires qui vont non seulement réclamer l'éducation, mais aussi déjà anticiper en créant de manière spontanée des premières écoles de filles. Oui, Caroline Fayol, dans votre livre La Femme Nouvelle, Genre, Éducation, Révolution, on sent cette porosité entre le discours, la prise de parole et puis l'action concrète et quel que soit le mode d'action. Et c'est vraiment intéressant de voir comment les idées sous la Révolution, et c'est sans doute pour ça que la période est fascinante, oui, se propagent dans l'ensemble de la population. C'est une vraie période de débat. avec une certaine liberté qui permet, vous l'évoquez, de faire des expériences éducatives. Donc sous la Révolution française, avant même que le pouvoir décide de légiférer, il y a des expériences. Elles sont intéressantes, hein, parce que on les retrouve un peu partout en France, à Bergerac, à Besançon. Quelles sont ces expériences ? Alors, ces expériences qui donc précèdent les premières lois qui créent l'école publique en tant que telle, alors pour ce sont des écoles qui sont créées soit par les représentants en mission, qui vont aussi spontanément vouloir répondre à cette volonté du peuple d'avoir des écoles, soit donc, je vous le disais, par des clubs politiques féminins, hein, qui vont donc, à l'échelle locale, créer leur propre école. Et c'est vrai que c'est des espaces intéressants, parce que c'est des espaces très éphémères, hein, bien sûr, mais où vont s'expérimenter véritablement des formes d'innovation pédagogique. Même si la Révolution française n'est pas connue pour avoir fait énormément d'innovations sur cette matière, je pense que sur la question de l'éducation des femmes, il y a quand même des brèches dans lesquelles vont s'insérer les femmes pour inventer des moyens de transmission de la connaissance un petit peu nouveaux. Et c'est vrai que certains clubs féminins vont par exemple faire un peu scandale en, je pense à un des clubs à Lyon qui a proposé d'apprendre à lire et écrire aux filles à partir d'un texte qui n'est pas anodin, qui est le contrat social de Rousseau. Hein, donc pas un texte très facile, pour le moins. Et donc, avec cette idée que on va certes apprendre à lire et écrire, mais on va aussi transmettre, en fait, du savoir complexe, du savoir politique aux filles. Et donc, ça va faire un peu, bien sûr, ça va créer des réactions vives, hein, notamment de la part de ceux qui s'opposent à l'émancipation des femmes, hein, et qui vont dire, bah non, Rousseau lui-même, il dit qu'il faut pas apprendre à lire aux femmes. Et puis là, vous utilisez ces ouvrages pour, au contraire, amener ces femmes, ces futures femmes, à réfléchir sur la philosophie politique. Ça ne va pas du tout. Donc, on sent vraiment dans ces premières expériences qu'il y a vite des tentatives de remise à l'ordre, mais voilà, ces expériences existent et ont pu aussi ouvrir la voie pour les futures institutrices ensuite des écoles publiques. Oui, parce que c'est l'amorce de tout, que ce soit la Canale à Bergerac, c'est le club des Amis de la Liberté et de l'Égalité à Besançon. Vous parlez, Caroline Fayolle, d'émancipation des femmes, et puis il y a une certaine volonté de ralentir les expériences, parce que ce n'est pas la même temporalité que celui de la tentative de créer une école, que la temporalité des états d'esprit, de la manière de voir la femme. Ces hommes de la Révolution sont des hommes issus d'un siècle entier. Et la femme a du mal à être considérée d'un coup comme légale. Il y a toute une réflexion qui est passionnante et même des débats autour de la femme. Est-elle capable d'apprendre ? Qui est la femme ? Faut-il éduquer la femme ? Ces débats-là sont concrets, sont passionnants. On sent qu'il y a vraiment des vues différentes qui s'opposent. Oui, il y a une vraie conflictualité, effectivement, sur le sujet. Ces débats-là sont même présents à l'Assemblée nationale en tant que telle, hein, il commence dès la, parce que bon, on débat très vite de l'instruction publique. Et l'éducation des femmes va être l'objet de débats, de controverses entre les députés notamment. Et globalement, on va avoir trois voix qui vont s'exprimer, je dirais. Une première voix qui s'exprime surtout au tout début de la Révolution, qui dit bon bah voilà, la femme est différente de l'homme sur le plan de la nature, et donc elle n'a pas pour vocation à être éduquée comme les hommes. Du coup, l'éducation domestique des femmes est suffisante. Il n'y a pas besoin d'ouvrir des écoles publiques pour les femmes. Donc là, ça s'appuie vraiment sur une vision très déterministe du corps féminin, qui serait plus faible, qui serait difficilement, qui aurait des difficultés pour accéder au monde savant, au monde intellectuel, etc. Et puis il y a donc une seconde voie complètement opposée, celle que je vous parlais tout à l'heure, ceux qui, à l'exemple, bien sûr, on pense souvent à Condorcet, il y a aussi Rome par exemple, qui vont estimer que bah non, vu que cette éducation permet des choses extraordinaires, bah, elle permet aussi de transformer les femmes, de les perfectionner, et donc au contraire, on peut créer de l'égalité républicaine par l'école. Et puis il y a une troisième voie qui va être la voie qui va l'emporter, hein, qui va dire oui, les femmes sont perfectibles. Pour autant, faut-il en faire des hommes comme les autres, je dirais ? La réponse va être non. Mais donc, du coup, on va réfléchir à qu'est-ce qu'on veut fabriquer comme femme nouvelle, comme femme républicaine. Quel est le modèle de féminité qu'on veut pour la nouvelle société ? Et ça va être le but de l'école publique, de créer cette femme nouvelle. La femme nouvelle, d'ailleurs, c'est le titre de votre ouvrage, Caroline Fayolle. C'est au cœur, hein, de la réflexion de ces hommes, parce que c'est dans l'Assemblée des hommes qui siègent, ça faut le dire. Oui, mais dans l'Assemblée, il n'y a pas que des hommes, parce qu'il n'y a aussi les tribunes. Et il ne faut jamais oublier les spectateurs dans les tribunes. C'est ce que rappelait l'historien François Lebrun dans une émission de France Culture en 1988. Une émission intitulée « L'année sans pareil ». Et François Lebrun était interrogé par Michel Vinocq. Il ne faut pas oublier non plus les spectateurs des tribunes. Ils sont là, fort nombreux, 2000 en général, qui ne se gênent pas pour applaudir ou pour huer. Il y a même des abonnés. On appelle ces femmes qui sont là, c'est souvent les tricoteuses, parce qu'elles apportent avec elles leur tricot, n'est-ce pas ? Et elles participent au débat, en quelque sorte. Il s'attachera d'ailleurs au nom une réputation sanguinaire dans les années suivantes. On n'en est pas encore là à Versailles à l'été 89. Il n'empêche tout de même que ces spectateurs bruyants, en dépit de tous les rappels que peut faire le président de séance, il n'empêche que ces spectateurs usent de véritables pressions sur les travaux de l'Assemblée. Voilà l'historien François Lebrun qui parlait en 1988 au micro de Michel Vinocq dans l'émission L'année sans pareil et qui évoquait les tricoteuses, ces femmes installées dans les tribunes de l'Assemblée, à la Convention notamment, et qui commentaient, qui pouvaient aussi prendre part au débat. Caroline Fayolle, quand vous expliquez la volonté de construire sous la Révolution une femme nouvelle, il y a des modèles qui s'imposent. Il y a l'aristocrate, qui est un modèle rejeté. Il y a la tricoteuse, la femme du peuple aussi, celle qui suit la vindicte populaire autour de la guillotine. Plusieurs modèles de femmes se posent. Ça rentre en compte dans cette volonté de créer une femme nouvelle ? Oui, bien sûr. En fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a des modèles de féminité conflictuelle. Et donc, évidemment, le modèle de féminité qui, pour les révolutionnaires, est le modèle répulsif par excellence et qui est complètement l'envers de la femme nouvelle qu'ils espèrent faire advenir, c'est l'aristocrate, particulièrement la figure de la mère aristocrate dégénérée, donc voilà, bien sûr à mettre entre guillemets, qui serait vicieuse, qui serait égoïste, qui serait artificielle, qui mettrait ses enfants bien sûr en nourrice, qui refuserait l'allaitement, qui montre son dégoût des choses naturelles. Et cette femme aristocrate est censée être d'autant plus répulsive qu'elle aurait finalement contribué à dégénérer un petit peu la société, puisqu'elle aurait diffusé dans le corps social des pratiques qui seraient viciées. Et donc finalement, il y a pour les révolutionnaires cette idée que les femmes, notamment les futures femmes républicaines, eh bien, elles ont été touchées par cette dégénérescence, par ce modèle vicieux de l'ancien régime. Et donc, il faut, paradoxalement, l'expression peut faire sourire, mais cette idée qu'il faut réapprendre sa nature. Finalement, puisqu'il faut retrouver sa nature oubliée qui aurait été pervertie par ces mœurs de l'ancien régime. Donc effectivement, ce modèle répulsif est très important. Quant au modèle de la tricoteuse, alors ça on voit une évolution. Alors la tricoteuse qui a été étudiée par Dominique Godino, un ouvrage pionnier d'histoire des femmes pendant la Révolution. Ces tricoteuses sont pas tout à fait passionnantes aussi sur le plan de l'éducation, puisque en venant à l'Assemblée, elles débattent, etc. Elles haranguent parfois, elles font du bruit, etc. Mais aussi, elles s'instruisent, en fait. C'est une manière pour elles d'apprendre le savoir politique, d'apprendre le vocabulaire politique, d'apprendre les grandes notions qui sont discutées à l'Assemblée par souvent des hommes qui ont été formés dans les collèges Ancien Régime, qui manient la rhétorique, toutes ces choses-là. Et donc, elles écoutent, elles s'emparent petit à petit aussi de ce savoir politique. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Alors, c'est vrai que la figure de la tricoteuse, au départ, la femme du peuple, pendant la Révolution, va être une figure positive. La femme nouvelle, c'est aussi une femme du peuple qui est forte, qui est capable d'engendrer une race renouvelée, comme il disait à l'époque, c'est-à-dire qu'elle a la puissance corporelle pour faire une nation forte, et qui a la santé aussi pour le faire. Et puis, c'est vrai que progressivement, à partir du moment où les sans-culottes vont être réprimées pendant la Révolution, eh bien, cette tricoteuse va être associée à la guillotine, à Robespierre, etc., une forme de radicalité révolutionnaire. Et par la suite, notamment sous le Directoire, elle va faire peur, cette figure de la tricoteuse. Ça va être cette figure, finalement, d'une féminité populaire, mais finalement trop émancipée, en un sens. Et donc, on va y opposer la modèle de la femme plutôt issue de la bourgeoisie, qui incarnerait une modération, un contrôle de ses émotions que n'auraient pas les femmes du peuple. La femme lettrée qui envoie ses enfants à l'école, où la femme du peuple, la tricoteuse en l'occurrence, est devenue répulsive, avec un mot qui apparaît dans votre ouvrage, Caroline Fayolle, votre ouvrage chez La Femme Nouvelle, ce mot est régénération. Et alors, le mot est essentiel, on sent au cœur de cette politique des révolutionnaires autour de l'éducation en général, mais surtout des filles. C'est quoi cette régénération ? Alors la régénération, effectivement, c'est un des maîtres mots de la Révolution française. En fait, les révolutionnaires, au départ, espéraient que peut-être l'événement même de la Révolution, c'est ce qu'expliquait Mona Ouzouf notamment, par le miracle de l'événement révolutionnaire, eh bien, naîtrait un peuple nouveau. Bon. Ils se rendent bien vite compte que finalement, bah, c'est plus difficile que ça, c'est plus compliqué que ça, ce processus. Et donc, il faut, grâce à l'éducation, fabriquer petit à petit un peuple nouveau, c'est-à-dire finalement faire renaître le peuple, c'est-à-dire de régénération, une renaissance, c'est-à-dire transformer un peuple de sujets, ce qu'ils appellent d'esclaves de l'Ancien Régime, en peuple de citoyens. Donc dans cette idée de régénération, il y a cette idée de la fabrique du citoyen. Ça, c'est l'idée générale pour les hommes. Pour les femmes, c'est là où les débats vont être un peu plus compliqués, c'est que va se poser la question, donc comme je vous disais, de aussi faire renaître les femmes. Mais est-ce que ça veut dire forcément faire renaître des citoyennes au sens citoyennes actives ? Comme vous le savez, pendant la Révolution, les femmes n'ont pas le droit de vote. Elles sont des citoyennes passives. Donc dès lors, qu'est-ce que ça veut dire que de créer une femme nouvelle qui n'est pas tout à fait une citoyenne ? Alors, ce qui va apparaître dans les débats et ce qui va convaincre les députés qu'il est important de créer une école publique, c'est deux idées. C'est que pour régénérer les femmes, premièrement, il faut les soustraire à l'emprise du clergé. Avec cette idée que les femmes ont tendance à diffuser la religion dans les mœurs et qu'elles sont sous l'emprise du prêtre, etc. C'est l'idée qu'on retrouvera sous la Troisième République d'ailleurs. Et donc du coup, l'école publique va avoir pour vocation hein, de leur donner au contraire une éducation républicaine et non pas cléricale. Et d'autre part, il y a aussi cette idée qu'il va falloir fabriquer ce qu'ils appellent le modèle de la mère républicaine. Alors la mère républicaine, qu'est-ce que c'est ? C'est une femme qui est capable non seulement d'engendrer, mais aussi d'éduquer de futurs citoyens. Donc ça veut dire qu'elles ont un rôle qui est pédagogique, essentiel, et un rôle aussi qui est politique, puisque c'est elles qui permettent finalement l'avènement en amont, si vous voulez, de l'école, de ce peuple de citoyens. D'où le rôle très important, hein, cette idée qu'elles doivent transmettre par leur lait, hein, même on disait, par leur lait, elles devaient diffuser l'esprit patriotique. Hein. Donc déjà, dès la toute petite enfance, hein, dans ce moment crucial où se forment les mœurs du petit enfant, il faut qu'elles soient capables de transmettre les valeurs, les principes et le savoir républicain. Et dès lors, c'est un immense projet qui se met en place pour les révolutionnaires. Maintenant, le grand projet, c'est également le titre d'une chanson écrite sous la Révolution par François Marchand qui se chantait sur l'air de « Allons berger, partons tous ». Mais ce matin, nous l'écoutons dans le cours de l'histoire sur France Culture, ce grand projet chanté par la très regrettée Annie Cordy. Un soir, disait Condorcet à plus d'un confrère, j'ai dans la tête un projet qui pourra vous plaire. Il nous faut, mes chers amis, établir en ce pays une république d'une forme unique. Tant on voulait de Louis porter la couronne, mais bientôt, à mes avis, Danton s'abandonne, car il pense comme moi que rien ne vaut mieux, ma foi, qu'une république bien démocratique. Sans craindre d'un important les discours infâmes, nous mettrons tout en commun, y compris vos femmes. Si nous agissons ainsi, c'est pour mieux saisir l'esprit d'une république bien démocratique. D'une république bien démocratique. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Annie Cordy dans le cours de l'histoire qui chante le grand projet, le cours de l'histoire, une émission réalisée par Éric Lancien avec aujourd'hui à la technique Jean Frédérics. Et avec Annie Cordy, nous entendons bien, c'est toutes ces débats autour de ce que peut être la démocratie, il y a même l'évocation des femmes. Caroline Fayol, ce qui nous intéresse aujourd'hui dans le cours de l'histoire, c'est la transmission des savoirs sous la Révolution et notamment auprès des jeunes filles, avec la création des écoles publiques sous la Révolution. il y a des expériences, vous nous l'avez dit, et puis il y a surtout des lois. À quel moment se met en place l'école publique ? Alors, elle se met précisément en place par d'abord des décrets d'octobre 1793, et puis par une grande loi qu'on appelle la loi Bouquier, du nom de député qu'il a porté, qui date de décembre 1793. Donc, on est dans un contexte, on est en pleine terreur, voilà, où la guerre fait rage, etc. Donc, dans ce contexte très compliqué sur le plan politique, les révolutionnaires vont au contraire miser sur l'école, comme moyen justement d'accélérer ce processus de régénération. C'est une lutte contre le temps, la révolution, et donc, il y a cette idée que finalement, l'éducation, c'est une urgence aussi. C'est une urgence parmi d'autres. Et donc, cette loi Bouquier va être aussi fondamentale pour l'éducation des filles, puisqu'elle va parler donc d'ouverture d'école publique pour les filles, et elle va inscrire pour la première fois la profession d'institutrice publique dans la loi. Et vous évoquez l'urgence. Moi, j'imagine bien que dans cette urgence, tout est à construire parce qu'il n'y a pas d'exemple antérieur. Comment ça se fait ? C'est complètement empirique. Qu'est-ce qu'on décide d'enseigner aux petites filles ? Alors, effectivement, c'est assez vertigineux pour les législateurs puisqu'ils doivent tout créer un petit peu de faire sur cette... sur ce moment de table rase. Et donc, c'est vrai que la question des enseignements, il y a eu énormément de débats. On ne sait pas vraiment comment trancher. Et finalement, cette loi Bouquier, elle va trancher en disant on ne va pas préciser les enseignements, en fait. On va laisser une liberté d'enseignement et donc, du coup, une grande liberté pédagogique aussi aux futurs instituteurs et institutrices qui vont s'en emparer, d'ailleurs. Et donc ça, c'est vraiment un moment assez étonnant puisque, en pleine terreur, on dit souvent que l'État est très dirigiste, etc. C'est un cliché historiographique assez répandu. Eh bien, au contraire, ça va être le moment où il va avoir un aspect assez libéral dans l'éducation avec cette liberté d'enseignement. L'école est gratuite. L'école est aussi, donc, les instituteurs sont payés par l'État, les institutrices aussi, donc elles sont payées au prorata du nombre d'élèves. Alors les institutrices sont moins payées que les hommes, comme toujours, et déjà, pendant toute la période, voilà, à chaque fois le salaire sera inférieur à ceux des instituteurs. Et donc, en fait, pour devenir institutrice, il faut surtout et avant tout présenter en fait un certificat de bonnes mœurs et de patriotisme. Donc c'est avant tout, je dirais, l'engouement politique, l'amour de la révolution, on va dire, qui va être un des critères pour devenir instituteur et institutrice publique au moment de cette loi Bouquier. Donc c'est un petit peu, la question de l'instruction, du coup, passe un petit peu en second plan dans le recrutement de ces premiers instituteurs et institutrices. Voilà, mais l'objectif idéologique est bien de former des futurs citoyens pour devenir soldats, et puis pour les petites filles, de former de futures alors citoyennes. Mais vous nous l'avez bien dit, Caroline Fayolle, des citoyennes passives, elles ne vont pas voter, donc elles vont être là pourquoi ? Pour donc former leurs enfants à devenir eux-mêmes des soldats, pour porter l'esprit républicain. Il y a des objectifs de ce type-là. Oui, c'est ça. En fait, du coup, l'école a pour fonction de donner, l'école primaire, a pour fonction de donner avant tout les savoirs élémentaires, mais aussi l'éducation politique. C'est l'idée de transformer les mœurs par le savoir politique. Du coup, il faut donner ce savoir politique aux femmes puisqu'elles sont censées le transmettre à leurs futurs enfants. Donc, il y a une éducation politique qui est prévue. Il y a aussi des ouvrages, des catéchismes républicains, etc., qui paraissent à cette période, qui visent à aider les femmes à se former à ce savoir. Du coup, certaines institutrices vont un petit peu profiter de la brèche ouverte et vont dire, bon, à partir du moment où vous dites qu'il faut qu'on forme des hommes libres, peut-être que pour former des hommes libres, il faut soi-même connaître la liberté. C'est ce que dit Etta Palme-Delders, la pionnière du féminisme dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc, du coup, certaines institutrices vont aller un peu plus loin que ce qu'attend le législateur en termes de formation politique des filles. Oui, et puis justement, nous sommes dans un moment sous la Révolution française où la pensée peut aller loin. Et c'est le cas en septembre 1791, quand Olympe de Gouges propose sa déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Cette déclaration était lue en extrait dans l'émission Aujourd'hui la vie. C'était en avril 1985 sur la deuxième chaîne de la télévision française. Article 1. La femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Article 2. La liberté et la justice consistent à rendre tout ce qui appartient à autrui. Ainsi, L'exercice des droits naturels de la femme n'a de bornes que la tyrannie perpétuelle que l'homme lui oppose. Ces bornes doivent être réformées par les lois de la nature et de la raison. Article 3. La loi doit être l'expression de la volonté générale. Elle doit être la même pour tous. Toutes les citoyennes et citoyens, étant égaux à ses yeux, doivent être également admissibles à toute dignité, place et emploi public, selon leurs capacités et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. Article 4. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même fondamentales. La femme a le droit de monter sur l'échafaud. Elle doit également avoir celui de monter à la tribune, pourvu que ces manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Il ne faut pas troubler l'ordre public établi par la loi. C'est la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne en 1791 par Olympe de Gouges. Dans cette grande révolution de pensée et surtout cette liberté de pensée que représente la période que vous étudiez, Caroline Fayolle, il y a ces écoles publiques où, pour la première fois, des jeunes filles, alors déjà pour la première fois des écoles publiques, mais en plus avec des jeunes filles qui peuvent participer. Il y a aussi la volonté de contrôler toute forme de fanatisme. Nous avons évoqué la figure de la tricoteuse, celle qui a fait peur, évidemment aux aristocrates, mais pas seulement. Il y a aussi cette volonté de contrôler, c'est ce que Michel Foucault appelait la biopolitique. On veut tout contrôler, les corps, les manières d'être, et l'école sert aussi à ça. Oui, tout à fait. Alors, la figure de la fanatique, c'est la figure de la contre-révolutionnaire. Ça peut être souvent les religieuses qui refusent de prêter serment, etc. Donc, ça aussi va progressivement incarner un modèle de féminité aussi déviant par rapport à ce modèle de la femme nouvelle qu'on veut faire émerger. Et donc, du coup, les révolutionnaires vont prendre soin de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'institutrices qui soient d'anciennes religieuses qui aient finalement des institutrices qui, de manière masquées viennent rediffuser ce savoir religieux, etc. Donc il y a une vraie méfiance qui va s'accélérer aussi sous le directoire, où là on va carrément envoyer des inspecteurs pour bien voir si dans les classes ce sont les livres républicains qui sont mis et non pas un catéchisme chrétien qui serait caché sous la table comme ça a été observé dans certaines classes. Donc effectivement c'est une crainte des révolutionnaires tout au long de la période. Cette idée que effectivement l'école doit contrôler les corps, ça je pense aussi que c'est une idée absolument importante. Il y a l'idée qu'il faut transmettre aux filles de nouvelles mœurs, de nouvelles manières de se comporter, de nouvelles manières de parler, de nouvelles manières de se tenir. Donc finalement, de leur faire incorporer de nouvelles normes de féminité. Et dans cette incorporation, finalement, c'est ce qu'on pourrait, c'est ce que moi j'appelle de la naturalisation. C'est-à-dire que on fait en sorte que par la suite, ça paraisse comme naturel. Donc on débat beaucoup sur la nature des femmes, mais en fait, dans les faits, on est surtout en train de multiplier les pratiques éducatives pour naturaliser en fait ces nouvelles normes de féminité qui émergent. Avec la question qui se pose de la réussite de cette expérience révolutionnaire, dans la préface qui est donnée à votre ouvrage La Femme Nouvelle, une préface de Michèle Rio-Sarcey, votre directrice de thèse, oui, c'est ça. Bien ça. Hein. Il y a cette question, et j'ai trouvé ça vraiment intéressant, la révolution a-t-elle eu lieu ? Alors pris comme ça, on ne comprend pas. Mimi, dans son contexte, ça devient pertinent. Par exemple, pour les jeunes filles, la révolution a-t-elle eu lieu ? Y a-t-il une différence entre le statut de la jeune fille sous l'Ancien Régime et puis après la révolution, en tout cas pendant la révolution ? Alors, je répondrai oui, dans le sens où ce qui est sûr, c'est que déjà, il ne faut pas considérer la révolution comme un bloc. Il n'y a pas la révolution qui a été pour les femmes, contre les femmes, etc. Pour moi, il faut envisager avant tout la révolution comme ce que c'est-à-dire un bouleversement, un moment de déstabilisation, un moment où s'écroule un certain nombre de certitudes, un moment aussi où s'ouvrent des possibilités et donc où vont s'exprimer des aspirations, et donc comme un grand moment de conflictualité. C'est ce que j'essaye de montrer. Et donc, la révolution a eu lieu dans le sens où elle a transformé les modèles de féminité, elle a aussi permis à certaines femmes de revendiquer une émancipation qui est totale, c'est-à-dire une émancipation politique, une émancipation sociale, c'est-à-dire on veut sortir de la dépendance économique, intellectuelle, dans laquelle les femmes étaient par rapport aux hommes. Donc ça a permis cette voie par ailleurs était une résistance qui a par la suite été aussi réprimée, mais elle a bien émergé. ces résistances ont été éphémères, mais elles ont bien existé, et je pense qu'elles sont révélatrices des enjeux de la période et de cette conflictualité fondamentale qui fait que c'est le moment où a été posé l'universalisme et cette idée que, voilà, dans ce contexte d'universalisme, est-ce que l'éducation peut véritablement faire advenir une égalité, une véritable égalité. Et ça, ça va créer des débats qui vont durer pendant ensuite tout le 19e siècle et jusqu'à encore aujourd'hui, en fait. Qu'est-ce que c'est que l'égalité réelle entre le décalage entre ce qui est dit dans les principes, les hommes naissent libres et égaux en droit, et la réalité de la société où persistent des systèmes de domination? Oui, et d'ailleurs, l'écho de cette pensée révolutionnaire sous le 19e siècle, Caroline Fayolle, vous l'étudiez parce que dans La femme nouvelle, genre, éducation, révolution, vous allez jusqu'en 1830 et ces expériences révolutionnaires, en fait, s'arrêtent très vite dès le consulat. Donc, nous sommes à la toute fin du 18e siècle. Et justement, pour illustrer ces réflexions sur l'après, sur que faire après ce qui a été tenté sous la Révolution, je vous propose la lecture par Nathalie Canoui de l'extrait d'un ouvrage de Fanny Raoul en 1801, un ouvrage intitulé « Opinion d'une femme sur les femmes ». On allègue pour cause de l'asservissement des femmes l'infériorité des forces physiques. Cette raison serait presque sans réplique parmi des sauvages. Je dis presque, car les Amazones dont la valeur est tant vantée par les anciens, les femmes de Sparte et un grand nombre de paysannes qu'offrent nos campagnes prouvent que l'éducation, plus encore que la nature, établit cette différence dans la force des deux sexes. Mais hommes inconséquents et injustes, si les forces physiques étaient les seuls titres à la sagesse, au pouvoir, à la liberté et à l'égalité, combien d'entre vous jouissent de ces avantages qui s'en verraient privés? Combien donnent des lois qui en recevraient? Combien partageraient l'esclavage de vos femmes? Je dis plus, si les Français, je nomme les Français parce qu'ils sont le peuple le plus valeureux de l'univers, si les Français étaient forcés de se battre sans armes, corps à corps, contre ces sauvages qu'une vie errante et agreste rend d'une vigueur extraordinaire, ils seraient sûrement vaincus. S'en suivrait-il de là que les vainqueurs seraient plus dignes du commandement? Nathalie Canoui qui lisait dans le cours de l'histoire « Opinion d'une femme sur les femmes », un texte de Fanny Raoul en 1801, où il est question des causes de l'asservissement des femmes. Ces expériences d'éducation pour les jeunes filles qui ont eu lieu sous la Révolution, alors dans un premier temps de manière un peu empirique, on tente des choses et puis après, de manière encadrée par la loi, en fait, s'arrête assez vite. Hein, Caroline Fayolle, j'évoquais le consulat, donc... Oui, précisément, c'est un des tournants pour cette question, c'est 1802, et c'est la loi Fourcroy, nouvelle grande loi Fourcroy sur l'instruction publique, où là, tout d'un coup, les écoles publiques de filles n'apparaissent plus dans la loi. Donc, c'est vite fait, la rupture est brutale. Ça s'opère dans un double contexte. D'une part, il y a une nouvelle conception de l'école qui va émerger sous le consulat. On va renoncer à cet idéal de l'école comme un creuset où viendraient se mêler les classes sociales, où viendrait se régénérer justement le peuple pour faire advenir un peuple de citoyens. On va retrouver sous le consulat plutôt l'idée que les classes sociales ont quand même pas les mêmes impératifs, qu'il faut séparer les indigents des enfants des classes de la bourgeoisie, que il faut protéger les enfants bourgeois de la corruption entre guillemets des enfants du peuple, toute cette logique de classe qui réapparaît. Et donc, vu que le but n'est plus de fabriquer des citoyens, la matrice des citoyens, la mère républicaine, n'a plus fonction, n'est plus vouée à exister, donc on n'a plus besoin de la former dans des écoles publiques. Et d'autre part, il y a aussi un autre contexte qui est le contexte consulaire, qui est bien connu pour l'histoire des femmes comme un moment quand même de remise en cause des acquis, des quelques acquis de la Révolution, avec notamment l'émergence d'un discours savant, pseudo-savant, sur la nature des femmes, qui revient sur une lecture déterministe du corps des femmes. Les femmes seraient limitées par leur corps, elles ne pourraient pas être perfectibles, accéder à des savoirs intellectuels élaborés, la philosophie les rendrait malades, les mathématiques, rendraient aussi... ça fait mal à la tête. Voilà, ça fait mal à la tête des femmes. Donc, clairement, il y a cette idée que, tout d'un coup, on renonce à cette entreprise de perfectibilité sous le consulat. Et donc, dans ce contexte-là, ça va être la disparition de ces premières écoles publiques de filles et ce modèle de l'institutrice républicaine républicaine, du coup, disparaît. Et puis, nous l'avons entendu avec le texte que nous a lu Nathalie Canouille, un texte de Fanny Raoul. Donc, on voit bien que malgré tout, la pensée est toujours là, et même la lutte hein, par des textes. Ce qui change également, c'est que il est plus difficile de diffuser ces textes. Le contexte a changé aussi, et les femmes qui veulent prendre la parole sont sans doute moins entendues. Oui, tout à fait. Hein. C'est vrai que j'ai essayé dans le livre de toujours montrer que même pendant cette période de fermeture hein, post-révolutionnaire, il y a toujours des résistances. Mais ces résistances, effectivement, s'expriment dans une presse qui est beaucoup plus cadenassée, la liberté d'expression est beaucoup moins forte, etc. Donc on va trouver quand même quelques journaux destinés aux femmes qui vont parfois de manière un petit peu rusée insérer dans leur rubrique des textes qui revendiquent cet héritage de la Révolution. Et on va aussi trouver des figures comme Fanny Raoul, qui était totalement inconnue à l'époque, qui va devenir une journaliste sous le Premier Empire, et qui va reprendre le flambeau en disant, voilà, il faut absolument conserver cette idée que l'éducation peut transformer les femmes et qu'il faut accéder aussi au savoir secondaire, parce que les femmes n'ont jamais eu accès au savoir de l'instruction secondaire. Même pendant la Révolution française, elles n'avaient pas accès aux écoles centrales, par exemple. En 1802, avec la création des lycées, elles n'ont pas accès aux lycées. Donc elles se retrouvent exclues de tout ce qui est le savoir élaboré. Elles sont, pour reprendre une distinction fondamentale de la Révolution, elles sont éduquées, mais elles ne sont pas instruites. C'est-à-dire qu'elles sont éduquées, on forme leurs mœurs, leur manière d'être, mais on ne leur donne pas l'instruction qui est la manière de leur faire développer des capacités intellectuelles qui leur permettent d'exercer leur liberté, comme le disait Condorcet. Oui, ce que vous dites là, Caroline Fayol, c'est essentiel. C'est pas tout de créer des écoles pour les filles, c'est de savoir comment on enseigne ce qu'on enseigne. Et si c'est uniquement apprendre la couture, l'école n'a pas vocation dans ces cas-là à développer l'esprit de la jeune fille. Vous poussez votre étude jusqu'en 1830. Ces années 1830, c'est le moment où ressurgit l'idée que des écoles pour filles, ce n'est pas si mal. C'est tard, hein. Dans les années 1830, après il y a la loi Guizot 1833, mais bon là encore une fois les écoles de filles sont une portion congrue hein, puisque bon ça il va avoir des mesures qui vont être prises en 36 qui vont permettre l'ouverture d'écoles de filles, mais elles sont pas obligatoires, il n'y a pas d'école normale d'institutrice aussi, alors que comme vous savez les lois Guizot mettent en place tout un système d'école normale d'instituteurs. Donc il y a une inégalité totale entre hommes et femmes sur la question de l'instruction avec la loi Guizot, et ça va être contesté. Ce qui va revenir en fait c'est le combat de nouvelles pionnières du féminisme, hein, qui sont notamment les Saint-Simoniennes, donc portées par les utopies, les socialismes utopiques du premier 19e siècle, et qui vont reprendre aussi le flambeau et qui vont estimer que voilà, accéder au savoir, c'est fondamental pour définir les libertés pour les femmes, et donc que cette volonté de maintenir les femmes dans l'ignorance est un véritable manière d'en fait de maintenir un rapport de domination qui est totalement normalement impensable dans un système universaliste. Voilà, donc Caroline Fayol, on comprend bien, vous étudiez les écoles, les premières pour filles sous la Révolution avec un discours qui les accompagne, que l'on retrouve encore au milieu du 19e et que l'on retrouve encore au 20e et que l'on retrouve encore aujourd'hui. Mmh. Toute cette réflexion qui nous intéresse, eh bien votre ouvrage c'est La Femme Nouvelle Genre, Éducation, Révolution, 1789-1830. Merci beaucoup d'être venu dans le cours de l'histoire. Merci à vous. Il est l'heure justement de retrouver Anaïs Quien avec son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier Mauduit, bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui dans le journal de l'histoire, l'histoire européenne de l'Écosse et la tentation d'indépendantisme sur fond de Brexit. Parmi les contrariétés liées au Brexit, il y a la frontière d'Irlande, bien sûr, la pêche, évidemment, et l'intégrité du Royaume-Uni lui-même, qui mise pourtant beaucoup sur les forces vives de son île et du Commonwealth pour surmonter la rupture. Car le Brexit et l'épidémie de Covid-19 ont boosté l'indépendantisme écossais. Depuis 6 mois, les sondages sur la question sont majoritairement favorables à la sortie du Royaume-Uni. Une constance jamais vue si l'on considère qu'en 2014, un référendum sur la question s'était soldé par une victoire franche contre cette séparation. La première ministre nationaliste Nicola Sturgeon avait prévenu au moment du vote favorable au Brexit en 2016, c'est aux Écossais de décider de leur destin, qu'ils se poursuivent à l'intérieur ou à l'extérieur du Royaume britannique. Boris Johnson may have a mandate to take England out of the European Union. He emphatically does not have a mandate to take Scotland out of the European Union. Scotland must have a choice over our own future. Scotland doesn't want a five-year Boris Johnson government and doesn't want to lose our status as a European nation. So this is about choice. It's about saying very clearly it's not for Boris Johnson to decide Scotland's future. On l'aura compris, il n'y a pas d'allergie générale à l'Europe en Écosse, loin de là. Parmi les Bruce, les Wallace, les Macbeth et les Highlanders, on représente d'ailleurs souvent les Écossais comme le Britannique qui a des arrière-pensées, le sujet critique de la reine qui pourrait sans trop de difficultés la trahir au besoin. Cela s'est d'ailleurs produit souvent au profit des Français. Cette solidarité historique s'est maintenue pendant près de trois siècles, en passant par la guerre de Cent Ans jusqu'en 1560, avec pour objet transitionnel fondateur de cette affection diplomatique, la crainte commune de l'Angleterre pour ne pas parler de haine profonde. L'Écosse, mon Écosse. Un véritable trafic de princesses à l'époque moderne et de nombreux mariages sont orchestrés dans cet élan pour enjamber l'affreux ennemi et lui faire sentir que l'étau pourrait se resserrer si nécessaire. Une alliance peu féconde du point de vue politique et militaire, puisqu'au terme de cette Old Alliance, la vieille alliance, les Écossais adoptent la réforme et donc une attitude religieuse conforme à la volonté de la couronne anglaise. La proximité politique entre Français et Écossais se poursuit malgré tout et les liens informels restent forts. Les rois de France ont une garde rapprochée écossaise jusqu'à la Révolution française et notre monarchie disparue soutient la grande révolte jacobite de 1746 après avoir soutenu les guerres d'indépendance écossaises des XIIIe et XIVe siècles. C'est encore un échec, mais les liens persistent dans l'adversité malgré la victoire anglaise et malgré l'instauration de sa souveraineté sur l'Écosse à partir de 1707. Les jacobites survivants, et de rang suffisant, trouvent refuge à la cour de Louis XIV. Bref, les liens entre la France et l'Écosse sont profonds depuis près de sept siècles, mais cela n'explique pas totalement leur attachement à l'Union européenne, dont il est question en ce moment, même si les Français aiment qu'on les aime parce qu'après tout, ça n'est pas si fréquent. L'Écosse entretient des relations soutenues avec le continent, notamment avec les pays scandinaves et les États protestants, et cette proximité se fait un des précieux leviers diplomatiques pour faire pression sur le Royaume-Uni afin qu'elle prenne part aux deux guerres mondiales. Le général de Gaulle déclare avec pertinence en 1942 que l'alliance avec l'Écosse est la plus vieille alliance du monde. Une relation décrite avec précision dans l'article de Sabrina Juillet-Garzon dans le numéro 49 de la revue L'Esprit du Temps. L'histoire européenne de l'Écosse déploie des liens diplomatiques structurants dans l'histoire longue de l'Europe, une constante peut-être encore déterminante aujourd'hui dans les négociations du Brexit. Le gouvernement écossais demande un nouveau référendum sur l'indépendance pour 2021. Merci beaucoup Anaïs, on retrouve le journal de l'histoire et tous les liens utiles sur notre site internet franceculture.fr. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscan-Vudès, Odile Jouessel, Valentine Lovrins. Une émission dont la programmation est assurée par Maïwenn Guizhiou. Demain, nous allons parler de l'enfant de la nuit, Caspar l'Obscur. Oui, celui qui est l'enfant sauvage, Caspar Hausser. Et Caspar Hausser va nous aider à comprendre la transmission des savoirs quand l'enfant ne sait rien. Et puis vendredi, je vous le rappelle, nous rendons hommage à l'historien Dominique Khalifa.